CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif. Deux bonnes heures qu'on va entamer avec un extrait du tout nouveau Carfagen, Land of the Green and Gold, 13e album studio pour cette formation ukrainienne menée par Anthony Kalugin. On aura aussi Dave Bainbridge de son album To the Far Away, quatrième album solo pour ce guitariste qui est multi-instrumentiste qu'on retrouve notamment au sein de Live Signs. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on fait un tour du côté de des Pays-Bas avec un artiste qu'on aura l'occasion d'entendre d'ailleurs ce soir dans un autre contexte. Oui, il s'agit de Eddie Mulder, qui est un guitariste mieux connu pour son travail avec les groupes Flamborough-Head, Tryon et aussi Leap Day. Parlant de Leap Day, on aura à 22h30 un spécial d'une heure avec la formation Leap Day, qui nous feront une rétrospective de leur carrière. Et ce sera suivi de la formation Framoro. Framoro, c'est en fait un projet pré-millennium, ce groupe polonais qui a fait paraître 16 albums. Et Framoro viennent de faire paraître un second album en carrière intitulé My World is Ending. Mais on débute d'abord avec la nouveauté de Carfagen. Thank you. the heat of today's summer afternoon blaze. Flames glow on her face, make shadow play of trees. This country lane stretches all the way into tomorrow. A pale fringe of bell flowers reflecting evening light. Earth dwellers, sky gazers, we are spellbound, held in this ethereal moment between shadow and now. All our beginnings. Are rest. Chase. Iron Maiden, Eloy Rush, Bee Gees. Aber Kamala Harris, Kansas, Ilo, Fleetwood Mac, Journey, Bowie, Supertramp, Aisha, Joel, Chris DeBark, Elton John, The Movie Blues. Led Zeppelin, Dream Theater, Jarre Van Gelis, Deep Purple, The Rolling Stones, The Beatles, Pet Shop Boys, Marion, Uriah Heep, U2, Scorpions, OMD, Duran Duran, Nazareth, Springsteen, Coen, Dire Straits, King Crimson and Manfred Mann. Records through my shelf for both good and ugly days. Records through my shelf bring a smile to my tired face. Records from my shelf. Depeche Mode, Doc Togglebees, Barclay, James, Hervas and Keys, Rainbow, Toto, Jethro, Tull, Kate Bush, Frankie Goes to Hollywood, Tears for Fears, Waters, Gummer, Mike Oldfield, Yes to the Doors, Collins, Gabriel, Fishbowl Storm, ELP, Saga, This Mortal Coil. Twelve Night, Whitesnake, Ultravox, Foreigner and Pavlov's Dog, Yellow and Yamaji, Eurythmics, Michael Jackson, Madonna, Pendragon and Arena, The Mission, IQ, Galahad, Metallica, Judas Priest, AC/DC, Simon and Garfunkel. Records from my shelf for both good and ugly days. Records from my shelf bring a smile to my tired face. Records from my shelf. Écoutez CKRL 89.1. Sangbang era koba, teranik bay, teranik bay, teranik bay. Sangbang era koba, teranik bay, sangbay abe teranik bay. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne.

if there be a possibility, a matter of chance, to release the old. What would you do if you be caught in a fire? Flames of passion, unexpectedly. Would you stop and turn around? Would you stop and turn around? Afraid to burn your hands, afraid to burn your hands. Oh, grab this opportunity and jump into the calling. Would you listen to the voice within? What would you do at a dead end road? Would you make a turn and tear all things apart? I wrote both music and lyrics of The Messenger after a dream I had. The track appeared on our second album, Skugus Lair. As all of our albums, it was recorded at Warplug Studios, the Netherlands, by Derek Evert Walkens. Thank you. Changing Directions appeared on Chapter 1 and Tauron's appearance appeared on chapter 2 off from the days of Deucalion. All of it was based on a concept originally written after reading the book Words in Collision by Emmanuel Velikovsky.

try to count the days of a single year. When we try to number every day, then we soon will realize problems will appear. There's a gap of 6 whole hours delay. So 24 hours were added to a year. When we try to rule the time to be in control, then we find out nature won't agree. 365 days in a year, it's just not enough. All that math and still we didn't see. So 24 hours were added to a year. Every fourth year lasted a day long. Small guy. Treehouse and Raining are some of our latest compositions, also introducing Hans Kuipers on vocals and Harry Scholing on bass guitar. The new album is called Treehouse and is out now. brings all those memories that linger on and on and on and on. Memories of innocent and carefree years, those are echoes in my head. Those are Hello, I'm Eddie Mulder of Leap Day, and you're presently listening Terra Incognito directly from Quebec City. You never gave

a présenté en 2021 son 8e album, ou son 9e, tout dépendant. Et puis, ma foi, je pense que je n'ai jamais été aussi emballé que depuis Vacuum. On aura donc au menu un extrait de ce disque, The Art of Bleeding. Mais en attendant, on y va avec la fabuleuse formation finlandaise Melody. Näkeväni sieluni silmin. was forgiven, would I still fall for you? There's only one life we've been given, so would you still fall for me? But I don't feel the words, and time has ravaged me. The world's decline is all around me. So hold me close to you. never learn how to find, harder to keep, so easily lost, yet it runs so deep. I know I was sadly mistaken, but one day you'd understand that all of our dreams were forsaken or lost in a foreign land. I don't know, are we worlds apart? How does it show my silly heart and my fearful eyes? No, I can't disguise no more. Eh bien, c'est déjà le temps de vous quitter. Ce soir, on vous laisse avec une formation italienne originaire de Florence. Deux albums au compteur. Il s'agit de Spetri, un premier album paru en 2011, Spetri tout simplement. Et en 2015, et là je vais vous le dire en français, du moins pour le début, je ne me risquerai pas en italien, c'est 2973, La Nemica di Ricordi. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.